aller. Taxi. Pour Marie Découvert. Hey, taxi. Fais-moi visiter. Hey, taxi. Tout ça m'a oublié. N'allais-moi pas beau soleil. Fais-moi monter dans le septième ciel. Côté chou pas calé, c'est pas ni à l'eau des cafés. La timama est sans souliers. Kakoui condé et raval. Pour mener moi la route DJ. Fais-moi passer par mon canal. Hey, taxi. Pour mener moi aller. Taxi. Pour Marie Découvert. Hey, taxi. Fais-moi visiter. Hey, taxi. La main oublie. La main oubliée.